elle est faite pour toi, pour tous les jours où tu vas pas, quelle qu'en soit la raison. Quelques notes et un peu de couleur, des caresses et voilà. Juste un peu de bonne humeur, trois accords et s'en va. C'est ma chanson, pansement, celle qui soigne les tourments. Pose-la sur ton cœur pour oublier un instant tes malheurs. Assieds-toi et ferme un peu les yeux, laisse-la entrer en toi pour qu'elle efface de son mieux tout ce qui ne va pas. À ton oreille, elle dit des mots doux, tu redeviens un enfant qui s'émerveille encore de tout et qui rit en chantant. C'est ma chanson, pansement, celle qui soigne les tourments. Pose-la sur ton cœur pour oublier un instant tes malheurs. Alors, chaque fois que ça ne va pas, écoute ma chanson. Elle sera toujours là pour toi, quelle que soit la saison. C'est ma mélodie du bonheur que je t'offre aujourd'hui pour soigner ton petit cœur. Il y a bien des ennuis. C'est ma chanson, pansement, celle qui soigne les tourments. Offre-la à tous tes amis, tu verras, moi, depuis, je souris.